Bien ou quoi? Bien ou quoi, poteau? Je mets bien. Alors, bien. Alors, wesh. Oh, t'as écouté l'album ou quoi? Ah ouais, frère, là-bas, frère ou pas? Ah, frère, j'ai entendu le son. Ah, depuis le temps, hein. Mais maintenant, je crois qu'on va passer aux choses sérieuses. Comment ça, aux choses sérieuses? Bah, parce que maintenant que vous êtes un peu coté, il y a des dossiers qui valent cher. Quel dossier, poteau? Oh, toi, tu parles comme ça? Mais quel dossier, je vois? Vas-y. Qu'est-ce qu'il raconte? Écoute. Ma station le Asia, j'ai du bon chichon dans ma poche arrière. Au moins des tailles, tu seras bien viscère. Ça se passe comme ça, oui, dans mon putain de quartier. Eh, franchement, t'as un putain de dossier, mon frère, j'avoue.